Alors, on est accueilli sur le port de Rouen par plein de pétards différents qui sont envoyés depuis le port. Petit feu d'artifice en comité d'accueil. Et il y a plein de drapeaux, d'affiches, de slogans qui sont marqués sur le port. La retraite, nos anciens se sont battus pour la gagner. On se bat pour la garder. C'est un devoir pour nos enfants. C'est tous ensemble qu'on finira par gagner. Les portuaires dans la lutte depuis le 5 décembre 2019. Et belle ambiance avec des fumées rouges.